Chapitre 6e. Ils parcoururent ensemble l'Allemagne et la Suisse, traversèrent le Simplon et arrivèrent enfin à Venise. Monsieur Babcock devenait tous les jours de plus en plus triste et même légèrement irascible. Il semblait maintenant capricieux, distrait, préoccupé, changeant d'idée tous les quarts d'heure, formant sans cesse des projets qu'il abandonnait l'instant d'après. Newman, lui, était toujours le même, se liant facilement, visitant à son aise les musées et les églises, passant la plus grande partie de son temps sur la place Saint-Marc, achetant d'affreux tableaux. Il s'amusa à cœur joie à Venise pendant 15 jours. Un soir, en rentrant à son hôtel, il trouva Babcock qui l'attendait dans le petit jardin. Le jeune homme lui tendit mélancoliquement la main, et d'un ton solennel lui annonça qu'il craignait d'être obligé de le quitter. « Et pourquoi ?» fit Newman tout surpris. « Ne croyez pas au moins que je sois fatigué de votre société. »« Vous n'avez pas assez de moi ?» demanda Babcock en le regardant en face. « Et pourquoi diable en aurais-je assez ? Vous êtes un bon et brave garçon. De plus, je ne me fatigue jamais de rien. » « Nous ne pouvons nous comprendre, » soupira le jeune ministre unitaire. « Ainsi, je ne vous comprends pas, » s'écria Newman. « Et moi qui croyais vous comprendre. Mais, quand même, cela serait ou est le mal. »« C'est moi qui ne vous comprends pas, » gémit Babcock, en se laissant tomber sur une chaise. Il appuya la tête contre sa main et regarda d'un air morne son incompréhensible ami. « Ah, grand Dieu, cela m'est bien égal !» répondit Newman en souriant. « Mais c'est une véritable torture pour moi, cela mérite, j'en perds le sommeil, j'y pense sans cesse, je ne suis plus bon à rien. »« Vous vous excitez trop, voilà votre mal. »« Oui, naturellement, cela doit vous sembler ainsi. »« Vous trouvez que je prends les choses trop à cœur, trop sérieusement. »« Ma conviction à moi est que vous les prenez trop légèrement. »« Jamais nous ne nous entendrons. » Mais cela avait été si bien jusqu'ici. Pas pour moi, dit Babcock en secouant la tête. Je suis très à plaindre. Voilà un mois déjà que j'aurais dû vous quitter. Horreur, cria Newman. Allons, allons. Je vous promets d'être plus traitable à l'avenir. Je dirai toujours comme vous. Monsieur Babcock prit un air désespéré. Vous n'appréciez pas ma situation, dit-il. Je dois, avant tout, travailler pour la vérité. « Vous, vous allez trop vite. Vous êtes trop passionné, trop extravagant. Il me semble que ce serait mon devoir de refaire seul tout ce voyage que nous venons de faire ensemble. Je crains d'avoir commis bien des erreurs. »« Ne me donnez pas tant de raisons. Vous avez assez de ma société, voilà tout. C'est votre droit. »« Non, non, en vérité. Je serais impardonnable de vous quitter pour un pareil motif. »« Ma foi, j'y renonce, » dit Newman en riant. Et puis vous avez raison. Quand on ne se convient pas, il vaut mieux se séparer. Allez de votre côté, moi du mien. Vous me manquerez, certainement. Mais vous le savez, je me lis facilement. Si vous souffrez de la solitude, eh bien écrivez-moi un mot et je vous rejoindrai n'importe où. Je pense que je retournerai à Milan. Je crains de n'avoir pas rendu justice à Luini. Pauvre Luini. Je veux dire, j'ai peur de l'avoir estimé trop haut. « Je ne crois pas que ce soit un peintre de premier ordre. »« Luini ?» s'écria Newman. « Mais il est enchanteur, il est admirable. Il y a dans son génie quelque chose de délicat et d'exquis. Il me produit la sensation qu'on éprouve devant une admirable femme. » Monsieur Babcock recula de 2 pas en fronçant le sourcil. Il y avait là, du reste, de quoi s'étonner, car, d'habitude, Newman ne parlait pas par métaphore. Mais, pendant son séjour à Milan, il s'était épris de la peinture de Luini et la défendait chaleureusement. « Ah, vous voilà encore, » dit le ministre. « Oui, décidément, ce que nous avons de mieux à faire est de nous séparer. » Le lendemain, il partit pour Milan, afin de se livrer à une étude plus approfondie du grand peintre lombard. Quelques jours après, Newman reçut la lettre suivante. « Cher Monsieur Newman, je crains que ma conduite à Venise, la semaine dernière, ne vous ai paru étrange et ingrate. Je voudrais vous expliquer ma situation, que je vous l'ai déjà dit, vous n'appréciez pas comme elle l'est en réalité. Depuis quelque temps déjà, je songeais à m'éloigner de vous. et ma décision ne fut pas si subite que vous l'avez pu croire. D'abord, vous n'ignorez pas que je voyage en Europe au moyen de fonds fournis par ma congrégation, qui m'a gracieusement accordé un congé et donné une occasion unique d'enrichir mon esprit de tous les trésors que nous offrent la nature et l'art dans l'ancien monde. Je me sens donc moralement obligé d'employer mon temps du mieux possible. J'ai le sentiment de ma responsabilité. Vous me paraissez ne vous soucier que du plaisir du moment présent, et vous vous y abandonnez avec une violence que je m'avoue incapable de ressentir. J'éprouve au contraire, moi, le besoin d'arriver à des conclusions et de fixer mon opinion sur certains points douteux. L'art et la vie me semblent des choses extrêmement sérieuses, et c'est surtout dans un voyage en Europe qu'on doit s'attacher à l'étude raisonnée de l'art. Quant à vous, qu'une chose vous amuse une heure, vous n'en demandez pas davantage. Le plaisir seul paraît être votre but ici-bas. Cette façon d'envisager la vie est, suivant moi, vous l'avouerai-je, presque cynique. Vos sentiments n'ont donc rien de commun avec les miens, et aucun bien ne saurait résulter d'une plus longue intimité entre nous. Et cependant, laissez-moi vous le dire, je me plais à reconnaître vos grandes qualités, et je les appréciais, comme elles le méritent quand j'étais près de vous. C'est en subissant le charme que j'ai tant hésité à me priver de votre société, mais j'éprouvais de telles inquiétudes, de tels doutes. J'espère que je n'ai pas mal agi. J'ai cependant à réparer bien du temps perdu. Je vous supplie de ne voir dans cette lettre que le sentiment qui la dicte, le sentiment, le ciel m'en est témoin, de la sincère estime que vous m'inspirez. J'espère vous rencontrer de nouveau quelques jours quand je serai dans une disposition plus calme d'esprit. Continuez à jouir de votre voyage. Seulement, rappelez-vous de grâce que l'art et la vie sont des choses extrêmement sérieuses. Croyez-moi toujours votre véritable ami, Benjamin Babcock. P.S. Luini m'embarrasse plus que jamais. Newman fut pris à la lecture de cette singulière épître d'un accès de fou rire et saisi en même temps d'une sorte de respect. Au premier abord, la délicatesse de conscience de M. Babcock lui fit l'effet d'une bonne farce. Retourné exprès à Milan pour se trouver plus perplexe encore qu'auparavant au sujet de Luini, pouvait-on imaginer un plus grotesque résultat de son pédantisme? Puis, en y réfléchissant, il se dit qu'après tout, c'était là de grands mystères, et se demanda avec effroi s'il serait réellement cet être misérable et pervers, un cynique. Et si sa manière de considérer les trésors de l'art et les devoirs de la vie serait vraiment immorale et ridicule. Newman avait horreur de l'immoralité ce soir-là, assis au bord de l'Adriatique, contemplant la voûte étoilée des cieux, il se sentit pendant une bonne demi-heure quelque peu inquiet et malheureux. Que répondre à Babcock? Fallait-il se fâcher des hautaines remontrances du jeune ministre? Valait-il mieux ne pas les prendre au sérieux? Newman s'arrêta au parti le plus sage. Il ne répondit pas, mais deux ou trois jours après, il découvrit par hasard, chez un marchand de curiosités, une petite statuette en ivoire sculptée datant du XVIe siècle, et l'envoya sans commentaire à son ami Babcock. C'était une espèce de caricature, une grotesque figurine de moine décharné à l'air austère, vêtu d'une robe déchirée, à genoux, les mains jointes, et paraissant fort absorbé dans ses oraisons. Mais à travers les trous de la robe, on apercevait, délicatement sculpté dans l'ivoire, un chaperon gras suspendu à la ceinture du pieu anachorète. Quelle fut l'intention de Newman en envoyant cet étrange cadeau? Voulait-il dire qu'il ferait à l'avenir son possible pour être aussi strict et aussi scrupuleux que le moine paraissait l'être à première vue, mais qu'il ne répondait pas de ne pas succomber comme lui à la tentation? Voulait-il simplement se moquer de l'ascétisme de Babcock? En tout cas, il fit là à son compagnon de voyage un présent de valeur. En quittant Venise, Newman traversa le Tyrol et gagna Vienne, dont il vint passer l'automne à Baden-Baden. Il y reçut une lettre de Madame Tristram. Le grondant de n'avoir pas tenu ses amis au courant de ses faits et gestes depuis son départ de Paris. Depuis 4 grands mois. J'espère, ajoutait-elle, que vous ne ruinez pas quelque horrible plan de vous établir pendant l'hiver dans un pays extravagant, et que vous allez prendre le sage parti de nous revenir au plus vite. pour jouir avec nous de cette adorable existence qu'on ne mène qu'à Paris ?» Newman répondit. « Je croyais que vous me saviez peu enclin à écrire, et que vous n'attendiez rien de moi en fait de lettres. Je ne pense pas avoir écrit 20 lettres dans ma vie, même pour affaire. En Amérique, nous correspondons toujours par télégramme. La présente est une lettre de pure amitié, et vous voilà en possession d'une véritable curiosité que, j'y compte, vous estimerez à sa juste valeur. Vous voulez savoir ce que j'ai fait depuis 4 mois. Je pourrais vous envoyer pour toute réponse mes 5 ou 6 livres guides avec mes notes au crayon dans les marges. Là où vous verriez une croix, un trait, un magnifique ou un très vrai, ou un médiocre, vous sauriez que j'ai éprouvé une sensation quelconque. C'est là toute mon histoire depuis que je vous ai quitté. Belgique, Hollande, Suisse, Allemagne, Italie, j'ai parcouru toute la liste. Et je ne crois pas être pire pour cela. J'en sais plus long sur les madones et les flèches des cathédrales que je ne le croyais possible à un homme. J'ai vu quelques jolies choses. Je vous le raconterai peut-être cet hiver au coin de votre feu. Vous voyez que je n'ai pas de parti pris contre Paris. J'ai formé bien des plans. Il y en avait de toutes sortes, mais votre lettre les a fait évanouir. L'appétit vient en mangeant, dit le proverbe français. J'ai commencé à voir le monde, je faisais aller jusqu'au bout, et ma foi, puisque le vin est tiré, pourquoi ne le boirais-je pas? Par instant, je rêve de l'Orient, et il me vient aux lèvres des noms orientaux, Damas et Bagdad, Médine et la Mecque. J'ai rencontré ici, la semaine dernière, un missionnaire qui revient de ces contrées, il m'a dit que je devrais être honteux de perdre mon temps en Europe alors qu'il y a là-bas tant de merveilles à voir. Je sens le besoin d'explorer de nouveaux pays, de chercher des aventures. Mais j'ai idée que j'aimerais aller chercher rue de l'université. Que devient cette jolie femme? Si vous obtenez d'elle la promesse qu'elle sera visible la prochaine fois que je lui ferai visite, je reviens immédiatement. Je suis plus que jamais dans les intentions dont je vous ai parlé un soir. Je veux une femme hors ligne. J'ai examiné avec attention toutes les jolies filles que j'ai rencontrées cet été, mais toutes restent à 100 lieues de mon idéal. J'aurais joui 1000 fois plus de mon voyage si j'avais eu à mon côté la femme éminente ci-dessus mentionnée. J'avais trouvé cependant un compagnon de route d'un esprit supérieur, un ministre unitaire de Boston. Malheureusement, il ne tarda pas à se séparer de moi, pour cause d'incompatibilité d'humeur. Il me reprochait d'être immoral, de manquer d'élévation d'âme et d'aimer l'art pour l'art, etc., etc. J'en fus grandement affligé, car c'était en vérité un doux et charmant garçon. Peu après, je liai connaissance avec un Anglais, un rédacteur de journal qui connaît Paris presque aussi bien que Tristram. Je me promettais beaucoup de mes relations avec lui. C'était un homme intelligent et d'une inaltérable gaieté. Eh bien, au bout de 8 jours, il me planta là, de dégoût. J'étais, paraît-il, trop vertueux de moitié. J'étais un moraliste intraitable. Il me plaignait amicalement d'avoir une conscience aussi stricte, de regarder le monde comme une vieille femme et de juger les choses en méthodiste. Mon embarras fut extrême, je l'avoue. Lequel voyait juste, de mon ministre unitaire ou de mon reporter? Lequel devais-je croire? Puis je pris le parti de ne pas m'en préoccuper autrement, en me disant que j'avais eu affaire à 2 idiots. Mais il est une qualité, du moins, que personne n'aura jamais l'impudence de me refuser, celle d'être votre fidèle ami, C.N.